Luc 2, et c'est le texte qu'on va étudier ce matin, c'est un texte qu'on connaît depuis la tendre enfance, la naissance de Jésus, et on fait Noël un petit peu avant le temps, nous autres, donc ils vont attendre la Noël pour le lire, mais nous on va l'étudier ce matin, et avant de commencer, on va prier sous les biens. Notre Père du ciel, nous nous courbons devant ta parole est parfaite. Ta parole, elle est sans erreur. Ta parole, elle est l'expression de ton cœur. Elle est la vérité. Notre façon d'interpréter des fois peut être fausse, mais ta parole est toujours vraie. Ta parole, elle ne peut pas être fausse parce que toi, tu es la vérité. Guide-nous ce matin. Fortifie nos cœurs. Prépare-nous. Peut-être d'une façon toute spéciale, à fêter Noël d'une façon spéciale cette année, parce qu'on comprend encore plus la grandeur de l'amour que tu as manifesté en Jésus pour nous. Guide cette étude et sois glorifié par nous, au nom de Jésus. Amen. On dit que dans notre monde aujourd'hui, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est une vérité. Il semblerait que c'est quelque chose qui se passe un peu partout dans le monde. Et nous sommes dans le côté d'un peu des riches dans l'Amérique du Nord, comparé au restant du monde. Et les relations entre les riches et les pauvres n'a jamais été facile. Jamais été facile. Les riches ont tendance à se séparer. Vous allez remarquer que les bidonvilles, c'est qu'on appelle dans les grosses villes comme Montréal, il y en a. Si vous allez sur le quartier Saint-Henri à Montréal, c'est les pauvres qui vivent là. Si vous allez à Westmont, c'est les riches qui restent là. On se sépare physiquement. On se sépare physiquement. Il y a eu des temps où les autobus, les trains étaient séparés. Les riches avaient leur place. Dans les avions, on a encore cela. On appelle ça first class. La première, ça c'est pour les riches, la première classe. Et vous avez la classe économique. Les genoux coincés en dessous du banc de l'autre, on est plus serré, on est plus tartiné. Une fois, j'ai embarqué dans la first class, pas parce que j'avais le moyen, c'est parce que j'avais gagné un prix. La place où c'était couché le soir, ils nous donnent une belle petite couverte chaude, puis les petits oreillers, puis le champagne, tant que t'en veux, si t'en veux. Puis vraiment, je disais à ma femme, profite-en parce que même qu'on débarque, on va être classe à terre. Là, on est des classes, on est en haut, mais on profite 11 ans. Ça dure 6 heures. Après ça, on est à terre. On a tombé sur nos pieds. À terre. On se sépare. Les riches des pauvres se séparent. Il y a des universités où les pauvres ne peuvent pas aller. On se sépare. Et ça faisait le même impact au temps de Jésus. Et une des raisons que les riches avaient de la misère à croire à l'Évangile. Savez-vous pourquoi? C'est parce que c'est les pauvres qui l'ont reçu. Jésus est né parmi les pauvres, comme un pauvre. Il a vécu avec les pauvres. Il mangeait avec les pauvres. Ses parents étaient pauvres. Il avait un métier de pauvre. Jésus était pauvre. Donc les riches ont eu bien de la misère à croire qu'il était le Messie. C'était difficile pour eux autres. Et si moi, le pauvre que je suis, je me présente devant des gens qui sont des millionnaires, hein, ils vont avoir bien la misère à croire ce que je vais leur dire. Surtout si je parle de façon économique et financière. Bon Dieu. Montre-nous les, t'es capable? Jésus va dire la même chose. Hein? Vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Si tu es venu pour nous emmener dans la prospérité, si tu es venu pour nous emmener dans la richesse, pourquoi est-ce que toi, tu es pauvre? Jésus avait dit quoi? Je suis venu annoncer l'Évangile aux pauvres. Les pauvres autres, dans le temps de Jésus, vont le recevoir à bras ouverts. Pourquoi? Il fait partie de leur gang. Ils n'ont pas de misère avec Jésus. Il fait partie de leur gang. C'est un pauvre aussi. Donc, il y a beaucoup moins de misère à se faire écouter par les pauvres que par les riches. Parce qu'il est né, lui, parmi ces gens-là. Je me suis posé la question cette semaine, pourquoi est-ce qu'il avait fait cela? Pourquoi il n'est pas venu, il n'a pas embarqué dans la classe moyenne? Hein? Il y a les riches, puis les pauvres, on dit la classe moyenne. Pourquoi il n'est pas venu dans la classe moyenne? Il aurait peut-être réussi à pogner les deux bords. J'ai demandé. Il m'a pas répondu. Il ne m'a pas dit pourquoi il avait fait ça. Mais il est bienvenu parmi les pauvres. Et je crois que pour notre ami Théophile, qui faisait partie des riches, son nom nous dit, très excellent Théophile, il faisait partie des riches, de la classe riche. On ne l'aurait pas appelé excellent Théophile si c'était un pauvre quêteux. Et lui tout, Théophile, avait probablement un petit peu de misère avec le fait que Jésus faisait partie des pauvres. Et vous savez, dans l'histoire de l'humanité, écoutez bien ce qu'elle vous dit, tant que l'Église reste pauvre, l'Église grandit. Quand l'Église devient riche, dans toute l'histoire depuis 2000 ans, l'Église meurt spirituellement. C'est un fait accompli. C'est une preuve historique. Ça fait toujours ça. J'ai demandé ça à mon prof quand il nous a enseigné ça pour la première fois. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Il dit, je ne le sais pas. Si tu en trouves un moyen d'écrire un livre, tu vas devenir riche à ton tour. Parce qu'il dit, on ne sait pas quoi faire. Ça fait toujours la même chose. L'Église commence généralement, toujours, dans la classe pauvre de la société. Toujours. Général Booth, avec l'armée du salut, a fait un grand réveil des années 1860-70. Parce qu'il a prêché l'Évangile aux pauvres, et les pauvres se sont convertis par milliers à travers le monde entier. Ils sont devenus riches, l'armée du salut ne fonctionne plus aujourd'hui. Georges Müller a travaillé avec les orphelins. L'Église a grandi, ils sont devenus riches, c'est mort. Regardez toutes les grandes églises protestantes qui ont été un jour très évangéliques, sont en grande partie tous mortes aujourd'hui. Il y en a encore des noms, mais ils ne prêchent plus l'Évangile. Toujours la même vérité. Toujours la même vérité. Puis nous autres, des fois, même en tant que chrétiens, on désire devenir bien riches, mais ça nous tue dans l'œuf. Ça ne nous enlève pas notre salut. Voyons. Mais ça fait mourir l'Église avec le temps. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'Église devient riche, elle ne veut plus aller vivre avec les pauvres. Elle aussi. On ne veut plus aller vivre avec les pauvres. On lui envoie de l'argent. On est bon pour ça. On lui envoie de l'argent, mais on ne veut plus descendre là. On ne veut plus aller vivre avec eux autres. On ne veut plus aller travailler avec eux autres. On meurt. On meurt comme ça. Je ne dis pas qu'on meurt spirituellement. Parce que l'Église, tranquillement, s'éteint. Elle ne prêche plus l'Évangile. Ça s'amoindrit. Il y a un monsieur qui nous avait enseigné ça. Il avait montré l'Église comme un triangle. Puis dans le bas, quand elle commence, c'était les pauvres. C'est au point le plus large. Puis plus elle monte dans les couches sociales, plus elle devient étroite. Moins il y a de monde dedans. Quand l'Église a commencé aux États-Unis puis au Canada, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Je ne peux pas faire ça comme ça puis comme ça. Je ne sais pas ce que sont les États-Unis le matin. Mais quand l'Évangile est arrivé aux États-Unis puis au Canada, c'était des pauvres qui arrivaient de l'Europe. Des gens qui fuyaient l'Europe, des chrétiens, qui fuyaient l'Europe pour venir trouver un pays où ils pouvaient pratiquer leur foi librement. Et l'Évangile s'est propagé, et on est devenu quasiment un continent chrétien dans l'espace de 50 ans. Aujourd'hui, on est considéré comme des pays non chrétiens. Maintenant, c'est la Corée qui envoie des missionnaires au Québec, au Canada, pour les États-Unis. Parce qu'on n'est plus chrétien. On n'est plus considéré comme un pays chrétien. Mais vous, comment ça change? Ça fait toujours ça partout. Tout le temps. d'envoyer de l'argent aux pauvres. Mais c'est mieux d'aller travailler avec les pauvres. C'est encore mieux. Parce que ça nous garde dans l'humilité. Ça nous garde dans la réalité. La réalité de ce que les gens vivent. Parce que on nous dit que 80% de la population du monde est pauvre. 20% est riche. Les 20%, c'est l'Amérique du Nord. Vous avez déjà entendu les statistiques? La population, 20% de l'Amérique du Nord, on est 20% de la population du monde. OK? Mais on possède 80% des richesses. Le 80% du monde ont juste 20% des richesses. 80-20. La même chose. Tout le temps. Et je crois que ici, Luc va écrire à Théophile, puis il va dire, malgré que Jésus est né parmi les pauvres, et qu'il était lui-même un pauvre, parce qu'il dit, je ne possède rien dans ce monde, hein? Jésus dit, je ne possède même pas une place où coucher ma tête, je ne possède rien. Jésus avait, quand il a quitté la maison familiale à l'âge de 30 ans, il ne possédait rien. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit tout vendre nos maisons matin et qu'on doit aller dans la rue. Non. C'est ce que je suis en train de dire. Mais Luc est en train de dire à Théophile, malgré qu'il est né parmi les pauvres, malgré qu'il a côtoyé en grande partie pendant son ministère de 3 ans, grande partie Jésus était avec les pauvres. Et la plus grande partie de l'Église, si vous le dites, étudiez l'histoire des premiers 30 ans dans les Actes des Apôtres, l'Église s'est développée parmi les pauvres. Parmi les pauvres. Les riches persécutaient l'Église. Toujours comme ça, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et c'est encore de même aujourd'hui. C'est encore de même aujourd'hui. C'est un fait. Et Luc va écrire à Théophile, puis il va lui dire, regarde bien, Jésus est né dans une étable, t'as entendu dire ça? Hein? Comme un, hey, ça, il faut être pas mal pauvre crétin, là. Moi, je suis né au monde chez nous, dans ma maison. Pas dans ma maison, mais dans la maison de mes parents. Parce que mes parents étaient trop pauvres pour aller à l'hôpital. Parce que la souffle, tu payes pour aller à l'hôpital. Mes parents, ils ont décidé que ma mère a décidé qu'elle accouchait à la maison, puis elle faisait venir une sage-femme, puis si ça se compliquait, il y avait un médecin qui venait. Mais je pense qu'il y avait toujours un médecin qui venait faire un petit tour pour voir si tout avait été correct. Mais on était des pauvres. Moi, j'étais au monde de famille pauvre, puis j'ai vu mes enfants dans la pauvreté, puis le gouvernement me déclarait pauvre, en dessous du seuil de la pauvreté. En dessous du seuil de la pauvreté. J'étais plus bas que les pauvres. J'écrivais au gouvernement et je leur disais, donnez-moi de l'argent, j'arrive pas. Puis ils m'envoyaient 10 000 piastres par année. Dans les années 80, moi, 90, c'est comme ça que j'ai vécu avec mes 6 enfants. Puis j'étais le pasteur d'une église. On n'avait jamais assez d'argent pour vivre. C'est le gouvernement qui nous faisait vivre. On n'avait pas d'argent. Pauvre. On n'était pas capable. Juste depuis que nos enfants sont partis, qu'est-ce qu'on est devenu assez vieux? Qu'on a commencé à se mettre un peu d'argent de côté pour la retraite, parce qu'on n'avait pas. On n'avait pas, une scène noire. Pauvre. Mais il dit, malgré qu'il est né au monde parmi les pauvres, et qu'il était lui-même un pauvre, laisse-moi te raconter comment il est né au monde, afin que tu puisses croire quand même qu'il était le roi d'Israël, le Dieu du ciel, le sauveur du monde. Il faut là qu'il donne des faits. Moi, je trouve ça, c'est la première fois, depuis 30 ans que je suis chrétien, ça fait 25 ans que j'enseigne la Bible, que je m'arrête pour voir cette facette-là de l'évangile de Luc. Où est-ce que Luc donne des faits historiques, géographiques, sociaux, pour amener quelqu'un à la foi? C'est la première fois que je repense à ça. Il veut fortifier la foi des chrétiens en lui donnant des dates, des lieux, des noms de villes. C'est vraiment spécial ce qu'il fait. Il donne juste des faits historiques afin que le gars puisse planter sa foi dans la terre, dans le sol, dans quelque chose d'humain. Si quelqu'un vous dit une fois, hein, « Ouais, ça s'est passé ça une fois, là! » Là, tu dis, « Où ça s'est passé? » « Je ne sais pas trop, là, mais ça s'est passé à quelque part. »« Quand? » »« Mais je ne sais pas, là, quand ça s'est passé, mais ça s'est passé. »« Où? Oh, »« Je ne sais pas où, mais là, plus il y en a, puis tu dis, « Tu voulais ton enfant? » Tu sais pas où, puis quand, puis comment, tu sais rien. Toi, ce que tu me dis que c'est vrai, c'est ce que tu me racontes. Mais quand tu commences à dire, ça s'est passé à Saint-Jean-Vite, en 1999, sur telle rue, c'est tel personnage qui a vécu ça, ça commence à mettre du poids sur ce que tu dis, parce que je peux aller, quoi? Vérifier. Avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? Fais attention à ce que tu dis, c'est pour compter à d'autres. Avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? Moi, j'ai déjà dit ça souvent. Attention à ce que tu dis, là, je vais aller compter à d'autres. On peut-tu vérifier ce que tu dis? Ici, Luc, il va faire la même chose avec Théophile. Théophile dit, attention à ce que tu dis, Luc, je peux aller vérifier. Il va donner des dates, des noms, des villes. Ça, j'aime ça parce que ça me rejoint moi. Ça me rejoint moi. J'aime baser ce que je crois sur des faits historiques. J'ai lu un livre un jour, ça s'appelait « Le Jésus historique ». Et le gars faisait juste ça. Remettre dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire païenne du monde, remettre l'histoire de Jésus et dire « Regardez, ça s'est passé là, comme ça, à ce moment-là, dans cette place-là. » Il plantait des racines dans l'histoire du monde. Il mettait Jésus, en fait, partie de ce monde. C'est pas quelqu'un qui est dans les airs, c'est pas un bonhomme avec des ailes dans le dos, tu sais, là, comme on voit des fois dans certains mythes là, grecs. Là. C'est pas des bonhommes avec des ailes sur le bord de la tête. Là. C'est pas ça, là. C'est un homme qui est passé sur la terre, comme nous. Il était aussi Dieu à ce moment-là. Donc, regardons ce qu'il va dire dans Luc, chapitre 2, verset 1. Il va commencer par nous citer. Ce qu'on va voir ce matin, Luc a fait appel aux anges. L'ange Gabriel qui a parlé à Zacharie. L'ange Gabriel qui a parlé à Marie. Ensuite, il a appelé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rempli Élisabeth. Le Saint-Esprit a rempli Marie. Le Saint-Esprit a rempli Zacharie. Puis a donné des révélations. Ce matin, il revient aux anges. Encore une fois, un message angélique qui va révéler quelque chose au sujet de Jésus. Mais remarquez bien, Jésus n'est pas encore au monde. Luc est le seul qui fait ça. Deux chapitres très longs. Le premier chapitre avait 80 versets. On voit pas ça souvent dans la Bible. Il va mettre deux longs chapitres, puis il va parler de ce que le monde a dit avant que Jésus soit au monde. C'est intéressant, ça. C'est pas ce que les apôtres ont dit, c'est des choses qui se sont dites avant. Comment est-ce qu'ils pouvaient dire quelque chose par rapport à cet enfant-là qui n'était pas encore au monde? Vous avez déjà essayé ça? Moi, mon enfant, ma femme est enceinte, mon petit gars, il va devenir un médecin. Vous avez 99% des chances de vous tromper. Hein? Mais comment ça que tu as commencé à parler de Jésus avant qu'il soit au monde? Comment ça qu'il savait ces choses-là? C'est parce que c'est des choses qui sont venues de Dieu. Hein? Les anges, cet esprit, encore une fois ce matin, les anges. Donc, eux autres pouvaient révéler l'avenir de cet enfant-là. Qui il était, qu'est-ce qu'il était pour faire? Autant, à ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Toute la terre, ici, ça veut dire toute la terre romaine, probablement. Tout l'Empire romain, qui était sous contrôle de l'Empire romain. Il ne pouvait pas commander des choses qui étaient en dehors de l'Empire romain. Okay? Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Donc, il dit, c'est au temps de César Auguste, c'est au temps de Quirinus qui était gouverneur de Syrie. Donc, on peut citer, si vous lisez des livres de l'histoire de l'humanité, vous allez trouver ces gens-là qui se situent alentour l'an 4, 5, l'an 6, alentour de cela, de notre ère, avant Jésus. Nous, on dit Jésus est né en l'an 0, mais on sait aujourd'hui que Jésus serait né en alentour de 5 avant 0. 5 avant 0. Bon, on ne se battra pas pour 5 années. Hein? Sur une période d'histoire de, mettons, 6-7 000 ans, on ne s'assinera pas pour 3-4 ans. Il n'y avait pas les ordinateurs. On peut lui pardonner, il n'y avait pas les ordinateurs dans ce temps-là pour savoir l'heure juste. Il n'y avait pas tous les mondes digitales. C'est pas si vous êtes comme moi. Savez-vous comment j'ai d'horloge et de montre dans la maison chez nous? L'autre jour, j'ai dit, c'est épouvantable. Épouvantable. 13. On est deux personnes dans la maison. 13 montres et de cadrans. On a des cadrans sur tous les murs, puis sur notre main, puis sur nos ordinateurs, dans nos poches. On en a partout dans le char, dans le garage. Il y en a partout. J'ai dit, on est pogné avec le temps, je pense. À quelque part, le temps a beaucoup d'importance chez nous. C'est juste ça pour ça. Une parenthèse, on la referme, c'était gratis. Ça s'est passé à ce moment-là. au temps de César Auguste, puis au temps de Quirinus, qui était gouverneur de Syrie. Dans la Syrie, on pouvait embarquer un petit peu, au temps de Quirinus, le nord d'Israël s'est joint, la Galilée s'est joint à la Syrie. C'était une division de fait à ce moment-là, mais ici, Luc n'en fait pas mention. Très excellent, Théophile, étant lui-même faisant partie de la gomme, puis probablement un Romain, ou un citoyen romain, il connaissait ces choses-là, il savait. Okay? Premier recensement, il semblerait que c'était le premier à ce niveau-là. Tout le monde se sait, savoir, c'est-tu le premier du monde, c'est-tu le premier autant de César, c'est-tu le premier autant que Quirinus. Théophile devait savoir de quoi Luc parlait. Nous, c'est pour nous autres, c'est plus dur parce qu'on est plus loin, mais certains sont, liraient l'histoire, on pourrait probablement retrouver ces choses-là qui se parlaient à ce moment-là. À cause de ce recensement-là, tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Chacun allait dans sa ville, mais pas dans la ville où ils vivaient, dans la ville de leur ancêtre. C'est pour ça que Joseph, au verset 4, aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né et l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'était pas place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, quand est-ce que la révélation va être donnée? Quand est-ce que cet ange est venu pour dire ce qu'il avait à dire par rapport à Jésus? On l'a ici quoi? Au temps de César Auguste, au temps de Quirinus qui était à ce moment-là gouverneur de Syrie, au temps du recensement, où est-ce que tout le monde se déplaçait hein, pour aller se faire inscrire dans la ville de leur ancêtre. Hein. C'est au temps où est-ce que Joseph et Marie sont descendus, au temps où est-ce que Marie est enceinte hein, et qu'elle avait accouché. C'est juste après l'accouchement de Marie, ou en même temps que l'accouchement de Marie, que cette révélation-là a eu lieu. Bon, on la précise pas mal, hein? Un événement mondial, on pourrait dire. Il a descendu quelque chose qui se passait en Israël. Il a descendu à quelque chose qui se passait à Bethléem. Il a descendu au niveau d'un couple, puis au niveau d'une femme. Il a fait de l'entonnoir. Hein? Il a fait ça très large, puis est descendu. C'était au moment où Marie a accouché que la révélation est venue des anges. C'est à ce moment-là. Donc, il embarque la naissance de Jésus dans l'histoire du monde. Puis Théophile, lui qui connaissait probablement l'histoire, comme nous autres, si on parlait de notre histoire du Québec depuis 50 ans, j'ai des chances de savoir, hein? Un peu plus que quelqu'un qui est né avant ou quelqu'un qui n'est pas encore, qui va naître plus tard. Ceux qui sont là, à ce moment-là, savent qu'est-ce qui se passe. Donc, si nous autres, on dirait, c'est au moment qu'Intra-Ouest a vendu à Fortress. À Tremblant. On dirait, ah oui, je vivais à Mont-Tremblant, c'est-à-dire, je sais de quoi tu parles. Parce que j'ai eu conscience dans les journaux, dans les publicités, dans le Canal 4, qui est le canal de Mont-Tremblant. J'ai entendu parler, j'ai vu des journaux, j'ai parlé avec ma fille parce qu'elle est secrétaire dans ce journal-là. Que ça s'est passé comme ça? Intra-Ouest a fini par vendre à une compagnie qui s'appelait Fortress Investment aux États-Unis. Notre Mont-Tremblant, la compagnie qui était là, est devenue une compagnie américaine en 2006. 17 octobre 2006. Je te faisais être au courant. Pourquoi? Je vivais là, à ce moment-là. Mais Théophile ici, lui, il peut placer dans le temps la naissance de Jésus parce qu'il lui vivait là, à ce moment-là. Il vivait là. Il aurait pu partir tout de suite pour aller voir ça. Mais on ne sait pas quand Luc a écrit ça. Ça faisait longtemps que c'était passé, là. Hein? 25, peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'était passé, peut-être 40 ans. Donc, Théophile, il aurait pu aller vérifier de certaines choses. Quelqu'un, probablement, aurait pu aller prendre des rouleaux qui avaient été probablement entreposés à Rome, de ce recensement-là, qui avait été demandé par César, parce qu'on recensait tous les pays. Pourquoi fait qu'on faisait le recensement? Pour savoir comment de taxes on était pour avoir. savoir comment te paiement, savoir comment l'armée était grosse, savoir comment ce qu'il dit. On savait toutes ces choses-là. Donc, le gouvernement va dire, comme on le fait aujourd'hui, hein, si vous allez sur l'Internet, Statistique Canada, vous pouvez savoir un paquet de choses, qu'est-ce qui se passe au Canada. Le gouvernement prend des décisions à partir de ça. Ça se faisait pareil à ce moment-là, mais ça ne prenait pas 2 semaines à le faire, ça prenait 2 ans à le faire. Et le gouvernement va dire, ah, on a 2 millions de payeurs de taxes, ça va nous rapporter ça, on a tant de soldats, on a tant de ci, on a tant de tant, tant, tant. Donc, on peut faire des décisions économiques, politiques à ce moment-là. Donc, ici, la révélation au sujet de Jésus qu'on va entendre ce matin, qui vient d'un ange, est quelque chose qui s'est passé dans le temps de notre histoire humaine. C'est pas passé dans une autre dimension. C'est une autre planète. Il y en a qui veulent nous faire penser que ça s'est passé sur une autre planète. Ça s'est passé ici. Dans notre monde à nous autres. Dans une ville qui s'appelle Bethléem. Je suis allé, quand j'étais là plusieurs années, je suis allé voir la petite grotte, tout semblait là, parce que Jésus serait né. On est loin d'être sûr que c'est celle-là. Mais il y en a une, qu'on dit. Fait qu'ils nous font payer 2 piastres pour rentrer. Mais c'était quelque chose semblable à ça. C'était peut-être comme ça. Il y en a 2 ou 3. Fait que Jésus s'est né 2 ou 3 fois. Fait que chacun charge 2 piastres chaque fois. Si tu vas voir les 3, peut-être que tu as une chance de plus de voir ce que c'est né. On n'est même pas sûr qu'on est encore là. Mais Luc, lui, sait que c'est là. C'est Bethléem. Mais il ne précise pas dans quelle grotte, dans quelle maison. Et la raison qu'il est né dans une étable, comme les pauvres, c'est quoi? Parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie à cause de toute cette va-et-vient-là. Mais habituellement, il y a beaucoup d'auteurs qui se posent la question, mais pourquoi est-ce que Marie et Joseph n'ont pas été dans leur famille, c'est qui était la coutume dans ce temps-là? Dans la famille, les hôtels, les Westin, elles n'avaient pas dans ce temps-là. Mais pourquoi, et la plupart du temps, c'est probablement à cause de la grosse foule qui était là. C'était tous des descendants de David, ils sont tous venus là en même temps. On ne sait pas combien de temps ils ont eu pour aller signer le papier, pour aller s'enregistrer. Ils ont-tu eu 2 semaines, ont-tu eu 2 mois, ont-tu eu 1 an? On ne sait pas. Fait que s'ils ont eu 2 semaines ou 1 mois, tous ces gens-là qui descendaient de David se sont ramassés à Bethléem, qui était la ville de David. Donc ça en faisait du monde là à ce moment-là. C'est peut-être beaucoup de parentés sont venus, dépendamment comment tu étais loin dans la gang, mais c'était peut-être difficile de trouver une place pour aller coucher. Et Marie, étant proche d'accoucher, elle ne pouvait pas se ramasser dans le salon. Elle cherchait une place pour avoir de la tranquillité pour accoucher. Ce qui est anormal aussi, n'est-ce pas? Donc, probablement qu'ils ont dit, va par là, puis trouve-toi un trou là. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ce n'était pas dans une grotte. Il y en a qui disent que c'est dans une maison. Vous savez comment les maisons étaient anciennement? Au premier étage, vous aviez la maison. Sur le toit, ils vivaient là en grande partie de l'année, ils vivaient sur le toit de la maison, sur le toit. Parce que c'était plus ou moins chaud qu'à l'intérieur. C'était sur le dessus du toit. Au milieu, c'était là qu'était la famille vivait dans les temps plus froids ou de pluie. Et sous la maison, il y avait l'étable. Sous la maison étaient les animaux qui vivaient là. C'est peut-être là que Marie a descendu, parce qu'il n'y avait plus de place en haut. Ils ont trouvé une place où est-ce que les animaux étaient. Et les animaux étaient peut-être encore dehors, parce que c'était peut-être pas bien froid. Les animaux étaient dehors, ils ont peut-être utilisé cela pour héberger des gens, pour se coucher. On ne sait pas quand Jésus est né au monde. Nous, on pense 25 décembre, il fait froid. C'est pas sûr que ce soit né au monde le 25 décembre, pas en tout. La plupart, ils pensent plutôt que c'est plus vers le mois d'avril, qui est un mois pas froid, mais c'est un mois plus pluvieux dans le coin d'Israël. Si la pluie était comme ça dans ce temps-là, on n'est pas sûr. Il n'y a pas quelque chose qu'on n'est pas sûr. Ce qu'on peut être sûr, c'est ce qui est marqué ici. Donc, c'est dans ce moment-là, et c'est l'important, qu'il dit tout ça, tous les premiers 7 versets. C'est juste pour nous emmener à la place quand ça s'est passé, où. Vous savez, je suis certain que cette journée-là, il est né des milliers d'enfants. Des milliers d'enfants. Peut-être des dizaines de milliers d'enfants sont venus au monde cette nuit-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il en est aujourd'hui. On nous dit qu'il y a au monde des milliers d'enfants à la minute dans le monde aujourd'hui. Mais pourquoi parler de celle-là? C'est quelque chose de spécial. C'est pour ça quelque chose de spécial, cette minute-là, à Bethléem. Et c'est ce qu'on va voir. Maintenant, on a vu la place, le moment de la révélation. Maintenant, on va voir le contenu de la révélation. OK? Là, oui, c'est ça. Il faut moi que je les vois avant de vous en parler. C'est le contenu de la révélation angélique. Donc, on va voir maintenant le contenu de la révélation. OK? Le contenu. Donc, allons voir, on est rendu au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc, la révélation va se faire à des bergers faits par un ange. OK? Donc, excusez, verset 9, il faut lire aussi. Et voici un ange, Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Donc, à qui est-ce que la révélation va être faite? Elle va être faite à des bergers. Les pauvres de la classe sociale. Et quand les mages sont venus, ils cherchaient le roi d'Israël. Ils sont allés où? Ils sont allés dans les grottes, dans les étables, chercher le Messie. Ils sont allés où? Hérode. Ils sont allés au palais royal. Voilà. Des riches qui cherchent un roi vont aller dans les palais royaux. Ils étaient bien dans leur tête, très loin de penser qu'ils retrouveraient le roi qu'ils cherchaient dans une étape. C'était bien loin de leur pensée, ça. Ils sont allés directement. Moi, c'est ce que j'aurais fait aussi. Ils m'en parlaient. Tu cherches le roi d'Israël, tu t'en vas au palais royal. Tu n'as pas d'étape. Normalement, hein, humainement parlant, socialement, politiquement parlant, tu t'en vas où est le roi. Si tu vas voir le roi, vois le roi qui va prendre la succession. Et là, c'est une révélation qui va être amenée à des pauvres par un ange du Seigneur, un messager de Dieu. Un messager de Dieu. Il vient, il descend du ciel, il vient parler aux hommes. Mais il dit, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Si la gloire du Seigneur était là, ça veut dire quoi? Si la gloire du Seigneur était autour d'eux, ça veut dire quoi? Le Seigneur était là. Dieu était là. Aussi. C'est pas juste une lumière dans les airs, là. Il n'a pas allumé 200 watts, là. La gloire du Seigneur est autour des anges. Dieu était là avec les anges. Et par les anges, il va leur parler. Il va utiliser les messagers. On se demande pourquoi il ne l'a pas fait lui-même. Je ne sais pas. Il a parlé, parce que des fois, Dieu parle, hein, on entend juste une voix, comme quand, au baptême de Jésus. Mais cette fois-là, Dieu a utilisé les anges pour parler aux bergers, mais la gloire de Dieu était là. Dieu était présent là, à ce moment-là. Et il veut emmener un message. Et quand ils ont vu ça apparaître dans la nuit, ils ont eu la chienne, en québécois. Ils ont eu peur, ils ont eu la frousse. Et si j'avais été là, comme je me connais, j'aurais vraiment mis ma couverte par sur la tête, me suis accouché à la terre, j'attends que ça passe. J'attends qu'il fasse clair. Ça va être disparaître. Ils ont eu peur. Puis c'est normal qu'ils aient eu peur. C'est bien, bien normal. Tu vois apparaître ça au bien milieu de la nuit, t'es dans le bois, il fait noir, il n'y a pas de lumière alentour. Tu gardes tes moutons, tu t'attends pas. Tu as peut-être pensé qu'il pouvait apparaître un ours ou un loup, mais pas un ange dans le ciel, et que cette lumière qui resplendit épouvantable. Ils furent saisis d'une grande peur. Mais le message, il dit au verset 10, mais l'ange lui dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle, que c'est donc heureux. Il dit qu'il va être un sujet de joie. Les bonnes nouvelles, ça l'amène toujours de là. C'est normal. Mais je suis content qu'il n'ait pas fait, comme on a vu un matin avec dans l'Ancien Testament, que ce n'était pas un messager de mauvaise nouvelle. Il y a eu des messagers de mauvaise nouvelle dans l'Ancien Testament. Il va en avoir des messagers de mauvaise nouvelle dans l'Apocalypse. Il va en avoir, je vous garantis. Il y a plein d'anges dans l'Apocalypse, mais ils amènent tous des mauvaises nouvelles. Parce qu'ils viennent amener la destruction du monde. L'ange dit, n'aie pas peur. Je vous amène une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va être pour vous autres un grand sujet de joie. Donc la révélation a été emmenée à des bergers par des anges, avec la présence de Dieu qui était là, et c'était une bonne nouvelle. Donc, ce que l'ange a à dire, il les met à l'aise, puis il leur dit, c'est une bonne nouvelle que j'ai à vous dire. Quelle est donc cette bonne nouvelle? C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Dans la langue originale, on pourrait traduire, il vous est né un sauveur, qui est Christ Seigneur. Il n'y a pas d'article dans la langue originale. Il n'y a pas de « le ». Le Christ ici, là, Christ, là, vous savez bien ça, essayez de retenir ça. Christ, ce n'est pas le nom de Jésus. C'est la fonction de Jésus. C'est devenu son nom, mais ce n'est jamais été son nom. Son nom, c'était Jésus. On va le voir tout à l'heure. Son nom, c'est Jésus. Christ, c'est sa fonction. Dans le texte original, c'est un adjectif. Fait que devant un adjectif, on ne marque pas le Christ. On marquerait. C'est un sauveur qui est le moins, qui est moins de Dieu, qui est moins du Seigneur. Okay? Le mot Christ veut dire moins. Il dit, vous êtes un sauveur qui est moins du Seigneur. Fait que là, le moins devient un adjectif. Okay? C'est un sauveur moins par Dieu. Donc, c'est Dieu Seigneur qui envoie, qui a moins quelqu'un dans le ciel, puis il envoie sur la terre pour vous sauver. C'est le moins. Donc ici, il dit, Dieu a suscité dans la lignée de David un sauveur qui est votre Messie et qui est envoyé par Dieu. Mais ici, il va plus loin. Il dit, il est Christ Seigneur. C'est-à-dire qu'il déclare que le sauveur va être Seigneur. Ce sauveur-là qui va naître dans la famille de David, il est le Christ et il est le Seigneur. C'est intéressant. Juste quelques mots, mais c'est des mots qui sont bien importants pour nous autres. Ce n'est pas le Christ du Seigneur seulement, mais c'est aussi le Seigneur. Tout à l'heure, c'était la gloire du Seigneur resplendissait, hein? Maintenant, il dit, le sauveur, ça va être aussi le Seigneur. Et là, j'ai fait une recherche. Dans l'évangile de Luc, le mot Seigneur est employé constamment dans les premiers deux chapitres, chapitre 1, chapitre 2. Le mot Seigneur revient 21 fois et c'est toujours Dieu le Père. Dieu le Seigneur dans le ciel. Pas Dieu le Père, mais Dieu dans le ciel. Le mot Seigneur est employé toujours pour Dieu. Et ici, il dit que le Messie, ça va être Dieu fait chair. Oui, Dieu fait chair. Cet enfant qui va naître, qui est né dans la ville de David, ça va être le sauveur du monde, et il est le moins, et il est le Seigneur. Toute une déclaration. Toute une déclaration. Ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est pour ça qu'il n'étant pas un enfant ordinaire, sa naissance n'a pas été ordinaire. Ce qui s'est passé à l'entour de ça, c'était pas ordinaire. Fait qu'il est en train de dire à Théophile, « Hey, même si c'est un pauvre, regarde ce que les anges ont dit de lui. Regarde ce que les anges ont dit de lui. » Et là, il leur dit, pour le trouver, allez, il fallait le trouver dans une crèche, emmailloté, couché, un enfant emmailloté, c'est-à-dire qu'il est très jeune, et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Donc, il est en train de dire aussi, ça fait partie de la révélation, il dit que l'ange, il leur dit, « C'est une bonne nouvelle et c'est dans la ville de David. » Il dit, il va le faire, au verset 14, il va faire la gloire de Dieu. Parce qu'il dit, cet enfant qui naît, qui est descendu, qui est venu, il va naître, c'est lui le Christ, c'est lui le Seigneur. Pour verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. C'est gloire à Dieu. Cet enfant-là va faire la gloire de Dieu. Cet enfant-là est la gloire de Dieu dans les cieux. Si on aurait pu monter dans le ciel avant que Jésus descende sur la terre, il faisait la gloire de Dieu, cet enfant-là, dans le ciel. Puis il fait encore la gloire de Dieu aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus, cet enfant qui naît, c'est la gloire de Dieu. C'est ça qui va emmener la gloire de Dieu, c'est ça qui fait la gloire de Dieu. Et ça va faire aussi la paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. Et là, il y a différentes traductions, là. Plusieurs traductions par rapport à ça. Paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent, parmi les hommes qui le reçoivent. Il y en a qui s'est traduit, paix sur la terre, il y en a qui ont traduit, comme la Sommeur a traduit, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. La colombe, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, c'est la même chose. La Bible Tob a traduit, paix au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. Dans la langue, il va emmener la paix sur la terre. Il va emmener la paix sur la terre. Et je crois que nous, on l'attribue la paix spirituelle, mais c'est correct. Paix spirituelle aux hommes qui l'agréent, aux hommes qui le reçoivent, aux hommes qui vont croire en ce Messie-là, qui vont recevoir ce Sauveur-là. Parce que la paix est connectée ici à quoi? À la venue du petit enfant-là qui vient sur la terre. Hein? Il va naître et ça va faire la paix sur la terre. Donc, ceux qui vont recevoir ce Sauveur-là, qui est le Christ, le Messie, le Seigneur, vont vivre la paix. Vont vivre la paix. OK? Donc, ça c'est... L'enfant né de Marie est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Il est la gloire de Dieu dans les cieux et la paix sur la terre pour les hommes. Ça fait que l'enfant qui vient de naître, c'est une autre histoire. Il y en a juste un comme ça, puis il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. On va prendre quelques minutes de plus, si vous me permettez, juste pour terminer, ce ne sera pas long. Verset 13, juste à partir du verset... Regardons maintenant la réaction qu'ont eu les bergers. Quelle est la réaction à cette révélation? Quand on reçoit cette révélation-là comme étant la vérité qui vient de Dieu, qu'est-ce que ça fait dans notre cœur? Qu'est-ce que Luc voulait que ça fasse dans le cœur de Théophile? Et qu'est-ce que ça doit faire dans notre cœur à nous qui vivons 2000 ans plus tard? Quand les anges ont quitté, au verset 15, quand les anges ont quitté pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Le Seigneur veut nous faire connaître de quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Si tu avais cru le message des anges, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en courant? Tu vas aller voir? Tu vas voir, hein, ils viennent de nous dire qu'il est né un enfant, là, qui est le roi du monde, qui est le Seigneur du monde, qui est le Messie, qui est notre Sauveur. Allons voir, ouais, allons voir. Est-ce qu'il y avait la foi avant de partir? Ben oui, s'il n'y avait pas eu la foi dans cet ange-là, il ne serait jamais allé. Ils ont dit... Et on a, ça semble extraordinaire l'affaire, ça semble quasiment incroyable, mais on va y aller. Et au verset 16, ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie. Comment ils ont fait trouver la foutue grotte? Ou dans quelle étape? Et on ne le sait pas. On ne le sait pas. Ils s'en vont à bonne place. C'était pas Montréal, la ville de Bethléem, là, mais c'était pas non plus Saint-Jean-Vite. C'était un petit peu plus grand que ça. Comment ils ont fait? On n'a aucune idée. Aucune idée. Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'ils ont trouvé la plus proche? Est-ce qu'ils étaient. Il y en a, là, quand tu vas à Bethléem, là, ils mettent la grotte qui dit ce que Jésus est né, là. Elle est comme sur le bord, juste en bas, c'est une espèce de grand champ. Puis simplement, les bergers étaient juste là. Juste en bas dans le champ. Hein? Non, c'est pas eux autres, là. Ça, c'est les mages. C'est deux ans plus tard, ça. OK? Ils disent que probablement les bergers étaient en bas, étaient bien proches de la grotte. Fait que, il y en a qui disent que les anges auraient dit « Allez voir, là, vous aider. » Ils ont pointé, ils les visaient. On peut imaginer n'importe quoi. Quand c'est pas marqué dans la Bible, on peut avoir de l'imagination tant qu'on en veut. On ne sait pas comment ils ont fait. Mais c'est pas tellement loin. C'était pas au bout du monde non plus parce qu'ils l'ont trouvé tout de suite. Là. Okay? Ils l'ont trouvé tout de suite. Hein. Donc, ils sont allés, ils l'ont trouvé. Après avoir vu au verset 17, ils firent, après qu'ils l'aient trouvé dans la mangeoire, qu'est-ce que ça l'a fait? Les faits historiques, les faits physiques fortifient la foi, donnent pas la foi, mais ça fortifie la foi. Ça amène de la certitude, comme l'évangile de Luc était écrit pour amener de la certitude dans la vie de Théophile. Quand tu vois un ange, tu vois ça semble tellement extraordinaire, mais quand tu rentres dans l'étable, tu vois l'enfant, tu vois Marie, tu vois ça, ben, c'est vrai. Alors, c'est vrai, l'ange qui nous a dit, c'est vrai. Ça fortifie la foi. Ça fortifie la foi. Ça ne donne pas la foi, ça la fortifie. Ils ont cru à l'ange avant de voir l'enfant. Et ça, c'était la réaction. Au verset 18, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Et tous ceux qui les entendent, au verset 17, excusez. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. À qui vous pensez qu'ils ont compté ça en premier? À qui vous pensez qu'ils l'ont dit en premier? Non. Je pense qu'ils l'ont dit à Marie et à Joseph en premier. Parce, mais moi, j'ai été Marie et Joseph. Vous venez vers ici, tout. Je viens d'avoir un bébé. C'est venez vers ici, là. Ils ont dit, mais on a vu un ange. Ils vont dire tout après. Marie, elle repasse ça dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle vient d'entendre? Ils ont dit, on a vu un ange qui est arrivé dans le ciel. La gloire de Dieu était là. Il nous a dit que le sauveur du monde était venu au monde. C'était le oint de Dieu. C'était le Seigneur lui-même. On vient d'entendre une chose extraordinaire, une bonne nouvelle nous a été annoncée. Marie, elle devait être, puis Joseph devait dire, ils devaient être fiers de leur enfant. En tout cas, moi, je devais être fier un peu vite. Ils savent bien qu'on est en fait là-dedans, mais en tout cas, c'est ton enfant pareil. Ils devaient être fiers. Les autres aussi, ça devait faire leur joie. Et on va se marquer. Et tous ceux qui entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et en cherchant. Oh, je ne suis plus dans la bonne traduction, là. C'est pour ça que je m'étais un peu perdu. Tous ceux qui entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Les bergers retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qui avait été entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, les anges, les bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir. Ils ont été émerveillés de voir l'enfant. Ils ont raconté ça aux autres qui étaient proches, qu'est-ce qu'ils avaient vu et entendu. Et là, encore, remarquez bien que Luc, encore une fois, met beaucoup de témoins. Hein? Beaucoup de témoins. Des bergers, on ne sait pas comment ce qu'ils étaient, au moins deux, mais c'est pluriel. C'était un groupe de bergers. Ils s'en vont, s'en allant. Ils arrivent. Je ne pense pas qu'ils l'ont dit avant d'arriver. Je pense qu'ils sont allés voir avant de venir. En tout cas, si c'était moi, j'aurais fait ça. J'aurais été voir. Ah, oh, c'est bien vrai, c'est arrivé. Ils ont raconté ça à Marie et Joseph. Et en s'en tournant, là, ils commencent à le dire à tout le monde alentour. Ils commencent à le dire à tout le monde qui voit. Ils commencent à raconter tout ça. Et beaucoup de gens ont été témoins ce soir-là. Beaucoup de gens ont été témoins et ont su que Dieu avait parlé par un ange et avait dit, le Messie est né. Il est arrivé. Je crois que ça a dû être. C'est marqué, c'était étonnant. Il était dans l'étonnement. Pourquoi? Parce que ça fitait pas dans l'ensemble. Tout le monde avait dit, mais le Messie est venu au monde. Il pensait que c'était un être très haut placé, un roi, le descendant de David. Il était pour être le roi d'Israël. Tout le monde s'attendait à avoir quelqu'un de très, très spectaculaire. Mais c'est un enfant dans une crèche, né de parents pauvres. Parce qu'il avait été riche, Marie-Joseph. Ça aurait été riche, là. Il n'aurait pas été dans une crèche, vous savez ça comme moi. Il aurait fallu. Quelqu'un les aurait invités. Parce qu'on invite les riches à coucher chez nous. Les pauvres, ils en rue. Hein? C'est la tendance humaine, n'est-ce pas? Tendance humaine. Quelqu'un qui arrive chez nous en Cadillac, on le reçoit bien mieux que quelqu'un qui arrivera à Hayon. Les cheveux là de sa tête, tout ça. On les reçoit pas mal moins ceux-là. Ça fait partie de la vie, de notre vie de pêcheur. On est comme ça. Il était étonné de ce qu'il entendait. Mais Marie, elle avait enregistré ce que l'ange avait dit. Hein? Elle avait enregistré ce que Élisabeth avait dit. Et elle a enregistré ce que les bergers viennent dire, parce qu'elle n'était pas là quand Zacharie a parlé. Elle était partie, hein, elle ne sait pas ce que Zacharie avait dit. Mais elle a les gens, elle additionne ça. Et elle sait bien que cet enfant-là, c'est quelqu'un de spécial, extraordinaire, qui va faire quelque chose de merveilleux, qui va sauver le monde. Moi, j'appelle ça une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On peut être dans la joie ce matin. Notre Jésus est le sauveur du monde. Les anges l'ont dit. Dieu a approuvé ça. Et ce n'est pas quelque chose des airs quelque part. C'est quelque chose qui est dans notre histoire, l'histoire de notre humanité, l'histoire qu'on peut vérifier, qu'on peut aller toucher. Et quelque chose qui était. Si on pouvait retrouver les rouleaux de ce recensement-là, probablement qu'on retrouverait Marie et Joseph à Bethléem. On retrouverait dessus. Je ne pense plus qu'il existe, mais si ça existerait encore, on pourrait les trouver dessus, parce qu'ils ont été là. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de nous avoir fortifiés dans la foi. Merci de nous avoir montré que ton Fils est né, bien né d'une femme. Il était emmailloté comme un enfant, parce qu'il était un enfant, très humain. Il avait froid, donc on l'a emmailloté pour pas qu'il y ait froid. Des bergers les ont vus. Et Seigneur, c'est une histoire qui était vécue dans notre monde. Mais ces anges n'auraient pas pas apparu cette nuit-là. Ça aurait été une naissance comme toutes les autres naissances. Il n'y aurait pas eu rien de différent. Personne ne serait aperçu de rien. Mais tu as fait quelque chose de spectaculaire afin de montrer au monde que cet enfant était quelqu'un de très spécial, qu'il était le sauveur du monde, le oint de Dieu, le Seigneur du monde. Nous autres aussi, Seigneur Dieu, on veut repasser ces choses dans notre cœur comme Marie le faisait. Et aide-nous cette semaine à le dire à d'autres. Aide-nous à le partager, de faire comme les bergers. À partager ça peut-être à nos voisins, à nos amis, à nos enfants, à les gens avec qui on travaille, afin qu'ils puissent trouver la paix, eux autres aussi, comme on a trouvé la paix, nous autres aussi, avec Dieu. Seigneur, si on ne leur dit pas, qui va leur dire? Mais tu connais notre faiblesse, Seigneur. Tu connais notre faiblesse. Hein? Mais on connaît aussi ta puissance. Et on te demande, on s'offre à toi. Prends-nous, utilise-nous pour te glorifier dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas encore. Au nom de Jésus. Amen. OK, on va arrêter cela, si vous voulez bien, vu qu'il est passé l'heure.